Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. La grande première de la chronique Kiwan en cavale. Noémie Guimond de l'accorderie et des gens de la Luitre viennent nous rencontrer à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le mercredi 15 septembre, 7h12. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Bonjour. Salut. Ça va bien? Moi, c'est Mathieu Plante. Mathieu Plante. Ben, qui ne connaît pas Mathieu Plante? Moi, des fois, j'ai l'impression de ne pas me connaître. Hier, on avait un plan chargé, je trouvais. Je trouvais ça chargé. Oui. Aujourd'hui encore? C'est vraiment beaucoup chargé. Beaucoup chargé. En plus, on a l'impression de faire partie d'une télé-réalité. D'un documentaire sur les jeunes hommes virils. J'imagine que c'est sûrement... J'imagine que c'est sur ça que ça parle. Peut-être. Ouais, en tout cas. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir une chronique. En fait, on va combiner deux chroniques de ma part. Tu connais C'est un fait, tu connais CNX. Les deux, j'adore. Ça va être CNX, C'est un fait. Wow. Sur Mario. Parce que c'est le 25e anniversaire de Mario. Pas okay. Mario Goyette, là. Non, Mario. Mario Brunet. Brunet. Ben, je ne connais pas ça d'abord. Donc, CNX, c'est un fait. On va aussi recevoir quelqu'un de l'accorderie. L'accorderie, Noémie Guimond, qui va venir nous parler, en fait, de c'est quoi l'accorderie, ça sert à quoi, c'est où. Est-ce que c'est un service pour apprendre à conjuguer les verbes? On lui demandera. Ça se pourrait. On lui demandera. En fait, j'ai un petit aperçu de ce qu'elle fait, mais... Je vais lui laisser le soin de nous l'expliquer. Mm-hmm. On va aussi recevoir des gens de la Luitre. Et ça, c'est pas un service de dégustation de fruits de mer. Non, exactement. Tu veux-tu le dire? C'est la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Exactement. En fait, ils vont venir nous parler de leur programmation là, cette année. Mm-hmm. Et puis, on a, pour terminer, Kiwan en cavale, la nouvelle chronique de notre collaborateur à Outre-mer, mais pas... Outre-mer, mais... Outre-lac. Interprovincial. C'est notre livreur d'informations. De bonnes nouvelles, espérons-le. Ça va être vers la fin de l'émission dans Kiwan en cavale, mais pour l'instant, on commence l'émission avec la musique de Winter Gloves. Winter Gloves avec la pièce. Voici Plastic Slides au 89.1 FM. C'est fou. Dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Dans quelques secondes à peine, on va se faire un petit bloc d'information. Bloc d'information. Tantôt, mais pour l'instant, on écoute Gaslight Anthem. Avec la pièce Bring It On. Ah ouais, donc. Bring It On. My queen of the Bronx. Blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy. You may wanna leave, so give me the fevers that just won't quit, and give me the children you wanna raise, and tell about the cool he sings you in those songs. If it's better than my love, then bring it on, and take it back out to the streets where you know you used to be, for the Romeo.

Oh, tu l'avais oublié, celle-là? Ouais. Bref, aujourd'hui, on parle de Mario parce que Mario, cette semaine même, a 25 ans. Mario de Mario Bonne Bros. Bonne fête, Mario. Salut, Mario. Spaghetti-o. Va-t-il virer une brosse? Ah, on sait pas. Ou un peigne. Ou un peigne. Donc, c'est le moment de célébrer Super Mario et la série au complet. Donc, le site guardian.co.uk nous donne un top 25 de faits par rapport à Mario du trivia. C'est des arpents de piège. Ouais, je vais faire comme si je savais quoi. C'est ça, le jeu de société. Les arpents de... Mais Mario là-dedans? Non, ça n'a pas rapport. C'est juste comme des faits. Ah, OK. Je pensais que ça avait tout rapport avec Mario. Ça a tout rapport avec Mario. C'est des faits, mais rapport... Mais celle-là n'a pas rapport avec Mario? Oui. Pas le jeu des arpents. En tout cas. OK. Vas-y, je t'écoute, Mathieu. Je veux pas... Non, c'est ça. Je veux pas te fâcher, te brusquer. Dieu sait que... Hein? C'est facile à faire, c'est ça? À micro fermé, tu me le dis. Commençons par le premier fait sur Mario. Tiens, Mario, bon, vous le savez peut-être, a été créé par Shigeru Miyamoto et est apparu dans le premier titre du designer. C'était le jeu de plateforme d'arcade de 1981, Donkey Kong. Miyamoto a été engagé comme artiste graphique par Nintendo en 1977 et il a reçu la tâche de construire un jeu après que plusieurs des jeux de la compagnie aient fait patate complètement dans les arcades, dans un marché qui est normalement très lucratif. Donc, Donkey Kong a été créé en utilisant le hardware, le matériel derrière un vieux jeu d'arcade qui s'appelait Radar Scope et qui, lui, a fait, comme je disais, patate, un échec total aux États-Unis. Miyamoto a laissé faire le thème de shooter et a ajouté un gorille et des barils qui roulaient. Donc, ça a créé le jeu, le succès, le classique Donkey Kong. Oh! Oui. Mario. Oui. Oh non, ben, non, vas-y. Moi, j'ai joué beaucoup à Donkey Kong. Oui. Ben, quand j'étais plus jeune, un peu. Puis, vraiment plaisant comme jeu. Ouais, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est plaisant à découvrir. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, dans ce jeu-là, Mario s'appelait Jumpman. Jumpman. Ça, c'est bizarre, par exemple. Ben, je sais. Par contre, les bureaux américains de Nintendo essayaient de trouver un meilleur nom pour le marché américain avant de sortir le jeu aux États-Unis. Ils ont été interrompus par le propriétaire. Non. Du bureau qui s'appelait Mario Segalet. Et puis, ben, ils ont nommé. Segal. Mario était à l'origine un charpentier. Hein? Un charpentier. Et non, un plombier. Il est aussi, on l'a aussi vu sous le déguisement d'un docteur dans le titre Dr. Mario en 1990. Et puis, ses suites, évidemment. Le look de Mario, tu te demandes pourquoi il porte un chapeau, pourquoi une moustache, etc. Hein, tu te demandes? Ben... C'est pas à cause de Mario Segal. Non? Non. Non, c'est à cause des limites graphiques de la console NES à ce moment-là. Donc, il y a un chapeau parce que c'était difficile de faire des cheveux qui avaient l'air réaliste. Des cheveux. Une moustache, c'était pour qu'on voit plus son nez. Des salopettes. Il y a un gros nez. Des salopettes pour que ses mouvements de bras soient plus remarquables. Et on se rappelle que dans Super Mario Brothers, le premier jeu sur la NES, il portait un chandail brun en dessous de sa salopette. C'est un look qui a été abandonné plus tard, ça. Sa petite... C'était brun. Oh. Le brun est passé de mode. Donkey Kong Jr., la suite de 1982, la suite du jeu Donkey Kong, est le seul jeu dans lequel Mario est la vedette en tant qu'antagoniste ou, comment dire, en tant qu'ennemi dans le jeu. Il avait emprisonné le pauvre Donkey Kong dans une cage et puis son fils à Donkey Kong devait le sauver, lui, Donkey Kong. Dans le matériel promotionnel du jeu, Mario avait même une petite moustache avec les bouts roulés. Ouais, les bouts roulés. Twirl. Ouais. Comme pour faire méchant, comme Wario maintenant, tu sais. Ouais. Dont on va parler plus tard, Wario d'ailleurs. De l'autre côté, Bowser, qui est le méchant dans la plupart des jeux de Super Mario Bros., a déjà été la vedette en tant qu'un gentil garçon aussi, c'est déjà arrivé. Il a aidé Mario dans le titre Super Mario RPG Legend of the Seven Stars en 1996. Hein? Je te crois pas. Ben, je te jure. Non. Je te dis, je te crois pas. Je te jure. Ok. Ils vont des chances. C'était une routine d'Evo. Ils vont des chances. Vas-y, continue sur Mario. Numéro 7 des 25 faits sur Mario selon guardian.co.uk. Super Mario Bros. Super Mario Bros. A été précédé par un jeu de plateforme en arcade en 1983, Mario Brothers, sans le Super Mario Brothers. Je sais pas si tu te rappelles, c'était celui où tu frappais des tortues en dessous de l'eau, puis il y avait des tuyaux de deux côtés. Donc, ça a été ça, fabriqué par Miyamoto et par le créateur du Game Boy, Gunpei Yokoi. Ça se passait dans le système d'égout de New York et nous a présenté pour la première fois le personnage de Luigi. Ben oui. Luigi, à quel âge? Donc, c'est en quelle année, ça? Ça, c'était en 1983. 83, donc, il devrait 27 avoir... Ouais. Puis on fête les 25 ans. Ouais, on parle des 25 ans de Mario... Attends un peu, ben, je pense que t'as peut-être raison là-dessus, par exemple. parce qu'on célèbre vraiment le 25e anniversaire cette année, mais est-ce qu'on célèbre le début de Super Mario Bros, le jeu Super Mario Bros? Ça doit être Bros, ça, hein? À partir de là, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Parce que ça se peut pas que Luigi soit plus vieux. Non, exactement. On le voit pas assez, lui, je trouve. Ah, tu trouves? Ben, moi, j'ai bien aimé Luigi's Mansion sur GameCube. C'était un de mes jeux. OK, ben, j'ai pas joué. C'était son propre jeu. Il chassait des fantômes dans son aspirateur. Oh. Ça plaisait, quoi? C'était super le fun. C'était vraiment le fun. GameCube? Ça ouais, valait la peine? Ah oui, tout à fait. Puis ça joue sur la Wii maintenant, si tu veux mettre ouais, un jeu ouais, GameCube. Ouais. Ben, tout est compatible maintenant. Ouais. Ce qui est fantastique, sérieusement. Même s'ils sont, ils ont un petit peu tiré dans le pied des marchés, des jeux ouais, usagés. Ceux qui avaient une GameCube, c'est mort, là. Et voilà. Bowser, au début, on l'avait dessiné comme un bœuf. C'était un bœuf. C'est Miyamoto qui l'a inventé, Bowser. Mais ses dessins ont été mal interprétés par l'animateur Yoichi Kotabe. Il croyait que c'était une tortue. Donc, le duo a décidé de travailler ensemble. Et puis, l'idée de la tortue a gagné. Et le Bowser qu'on connaît aujourd'hui est né. Et on dit que c'est définitivement une tortue. Et non un dragon, comme certains le croient. Ben, j'aurais dit un dragon. Hein. C'est bizarre. Je vais aller voir pour être sûr. Des photos de ouais. Bowser. La méchante version de Mario, tu sais, Wario. Il est apparu pour la première fois en tant qu'ennemi dans un jeu sur Game Boy Super Mario Land 2. Qui était un très bon jeu, je trouve. Très, très bon jeu. Il a été inventé par Hiroji Kiyotake, qui a aussi créé Samus Aran, l'héroïne, que je ne sais jamais comment dire son nom. Seamus. En tout cas, l'héroïne de Metroid. J'aime pas vraiment la série Metroid, c'est pas mon genre du tout. Le nom de Wario mélange Mario avec l'adjectif japonais Warui, qui veut dire méchant. Tu sais, tu t'es toujours demandé, oh, mais là, c'est un M viral en bas, deux, c'est Wario, tu sais. Mais non, ça a une définition, c'est méchant. Et on termine ce premier bloc de faits avec notre dixième. Le premier jeu de Super Mario Brothers a vendu 40,24 millions de copies. Même si ce chiffre-là est peut-être un petit peu biaisé parce que le jeu, le Super Mario Brothers, venait avec la console NES dans le temps. Donc, ça veut pas dire que les gens, en même temps, on s'attend que tout le monde a joué à ça. Bon, oui. Mais c'est pas tout le monde qui l'aurait acheté sinon, peut-être. Ben, remarque que dans le temps, mais c'était le jeu. Mais c'était-tu le jeu à cause qu'il venait avec la console? Si, mettons, il avait été comme complètement pas... Tu sais, qu'il était pas bien avec la console. Oh, ouais. T'as eu de nouvelles séries, complètement. Ouais. Je comprends ce que tu dis, mais sans ça, c'est quoi les autres jeux qui étaient vraiment très hot que tout le monde... Tu sais, tout le monde a fait le tour de ce jeu-là. Là. Tout le monde a... D'accord. Ouais, non, mais peut-être que ça a commencé par là. C'est comme Tetris quand ça a sorti avec le Game Boy. La cassette venait avec. Ouais. Mais si ça avait pas été le cas, est-ce que ça aurait... était un aussi grand succès sur la ligne Tetris? Je sais pas. C'est dur à dire. Ben, probablement. Parce qu'il y a des jeux, exemple, quand je me suis acheté mon Xbox, ouais. Ça venait avec des jeux et Dieu sait que c'était mauvais, les jeux. Ouais. Bon, on est en 2010, hein, et ils veulent plus trop donner des affaires bonnes avec la console. Je sais. Faut charger un autre montant à ajouter à la facture. On fera la suite des 25 faits sur Mario un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on écoute Ariel. Et voici la pièce Règlement de compte. Virgule, violence gratuite et cynisme non constructif. Entre parenthèses, c'est quoi ton problème? Point d'interrogation. Fait que note ça, c'est la fin. Hein? Note, hein? Oui, Mathieu. Vous êtes à Assemblage Requis au 89.fm, c'est fou. We'll be right back. requis est une présentation de la Banque nationale. Arctic Monkeys and the View from the Afternoon, excellente pièce à assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, c'est l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Ces matériaux-là s'en viennent, la livraison est pognée en Alberta, je pense. Fait qu'on va l'attendre, puis à un moment donné, on va recevoir ça. Salut Mathieu! Salut François! Ça va? Tu vois qu'est-ce que je veux dire par c'est pas de la qualité en ce moment? C'est pas de la qualité, hey, c'est pas fin pour toi Mathieu, tu fais des gros efforts, je sais que c'est de bonheur pour toi. Ah, oui. Écoute, puis s'il y a de quoi, tu peux me poser des questions. Je suis là, je suis comme ton pilier. Je suis avec toi, Mathieu. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Ben merci, François. J'apprécie. C'est tellement... ça vient du fond du cœur. Oh oui. Ouais. Ouais, ben, je le pense. C'est la deuxième partie de CNX, c'est un fait. Donc, on parlait tout à l'heure... De Mario. De Mario. Mario avec sa petite moustache. Sa petite moustache. Oui. Son chapeau. Oui. Ça, ça l'appelle. C'est ça. Et ses souliers. Son gros nez. Son gros nez. C'est vrai, il est moins pire que celui de Wario, par exemple. Wario, il a vraiment un gros nez, c'est comme une caricature, ça. Moins pire que le tien aussi, Mathieu. Oh, merci, c'est tellement franc. Ah, tu m'énerves. Super Mario Bros. Bros, comme on l'appelle, Bros, était le premier jeu qui se déroulait dans le Mushroom World, le royaume champignon. Évidemment, on connaît ce royaume fantastique créé par Miyamoto. Quand Mario mange un super champignon, il grandit, on sait tout ça. Miyamoto, par contre, nie le fait que c'était influencé par Alice au Pays des Merveilles. Quoi? Hein? Ben oui, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Il nie que c'est inspiré par Alice au Pays des Merveilles. Il dit que c'est plutôt basé sur du champignon magique. Ouais, ouais, ouais, peut-être aussi, ouais. Dans le jeu Golf sur la NES en 1984, tu te rappelles le jeu Golf? Non. Sur la Nintendo non. originale? Non, non. Mais Mario faisait sa première apparition en tant que comme sportif dans un simulateur de sport. Si on veut, parce que c'est pas exactement le cas, le personnage principal ressemblait à Mario, mais n'était pas nommé Mario. Plus tard, dans NES Open Tournament Golf, qui était une suite en quelque sorte. Là, c'était vraiment. Là, c'était vraiment Mario. Puis en plus, il était sur la couverture en rouge et en blanc, dans un genre de salopette lignée. Il a changé un petit peu sa garde. Comme Oui, Charlie, si on veut. Genre. Pour donner un peu le. Exactement, exactement. L'illusion. Super bel habit, d'ailleurs. Le compositeur de Nintendo, Koji Kondo, a fourni la trame sonore que tout le monde connaît à Super Mario Bros., dont le thème principal, qu'on appelle en fait Ground Theme, est une des pièces de musique les plus facilement reconnues par pas mal tout le monde. La chanson est restée dans le Billboard Ringtone Charts. Et oui, un palmarès des sonneries de téléphone chez Billboard. C'est quand même intéressant. C'est resté là-dessus pendant 125 semaines et a été performé en concert par des orchestres, on sait tous. Le jeu Super Mario Bros. 2. Hein? Super Mario Bros. 2. Le deuxième, c'est une version plus difficile du premier jeu et c'est sorti sur le Famicom Disk System qui était un ajout à la console japonaise, la Nintendo, en fait la Famicom qui était ce qu'on connaît nous sous le nom de NES, là, la première de Nintendo. La console au Japon n'était pas la même. Et là, le jeu Super Mario Bros. 2, c'était la suite de ça. Donc c'était le même look que Mario Bros. 1. Mais plus difficile avec du vent, etc., etc. C'était considéré trop difficile pour sortir dans l'Occident, aux États-Unis, au Canada. Les États-Unis et l'Europe ont reçu une version modifiée d'un titre de 1987 qui s'appelait Yumi Kojo Doki Doki Panic, qui était vraiment pas un jeu de Mario et ça a été remodelé pour faire un jeu de Mario avec. Il y a plein d'informations sur Internet si ça vous intéresse. Moi, j'ai passé des soirées à lire là-dessus puis c'est vraiment super, super intéressant. Bref, le jeu a été fait très, très rapidement avec des personnages de Mario pour remplacer ce qui était déjà fait. Donc, c'était un jeu qui était pas mal complété. Ils ont changé la musique, ils ont changé plein d'affaires. Rajouter un champignon de Mario, etc. Donc, en 1993, l'original de Super Mario Bros. 2, celui qu'on disait que c'était la suite du premier, est sorti enfin dans l'Ouest sous le nom de Super Mario Bros. The Lost Levels dans la collection Super Mario All-Stars. Un sondage de Q-Score au début des années 90 a révélé que Mario était plus reconnaissable pour les enfants américains que Mickey Mouse. Quand même, hein? Quand même. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Un extrait du jeu Mario Bros. 3 est apparu dans le film de 1989, The Wizard, qui parlait d'un jeune champion de jeux vidéo. C'était la première chance que le public américain avait de voir le jeu parce qu'il n'était pas encore sorti. Donc, quand le film est sorti, dans le film, ça montrait le gars en train de jouer Mario Bros. 3, gagner un concours, avec plein d'affaires d'indices, genre où est la flûte dans Mario Bros. 3, que personne ne devait savoir. Puis le jeu n'était même pas encore sorti aux États-Unis. C'était bizarre. Tu connais l'ennemi Chain Chomp dans Super Mario Bros. 3? Tu dis que je le connais, toi? Ben, c'est comme une genre de grosse balle, une grosse boule, si on veut, là, avec des dents. Là. Ben, non. Des dents. Oui, ben oui. Ça a été inspiré par un incident dans l'enfance de Miyamoto, le créateur du jeu, quand le chien d'un voisin l'a chassé, et puis après ça, il s'est fait retenir par sa chaîne. Fait que ça l'a inspiré à créer cet ennemi-là. Non? Non? Oui. Les histoires d'ennemis t'intéressent moins, ceux-là. Hein? Oui. Les personnages Womp dans Super Mario 64 ont été inspirés par un être mythologique qu'on appelle le Nourikabe, qui était un wall ghost, un fantôme de mur qui redirigeait les gens, qui les empêchait de passer quelque part dans la nuit, si on veut. Donc le Womp, c'est les grosses tablettes, le genre de béton dans Mario qui tombe dessus. Non. Les boues, eux, ça c'est vraiment intéressant par contre. Les ennemis boues, tu sais, les fantômes que quand ils regardent, ils avancent pas, mais quand ils regardent pas, ils t'avancent dessus. Bon, qu'on retrouve dans pas mal tous les Mario. C'était basé sur la femme du co-designer du jeu, Takashi Tezuka. T'as regardé un peu à Bujapo? Ben, quasiment. Comme Miyamoto l'a expliqué dans une entrevue sur Nintendo Power, il dit « Monsieur Tezuka a eu l'idée de mettre sa femme dans le jeu. Sa femme est tout le temps silencieuse et bien relaxe, mais un jour elle a explosé. Elle s'est fâchée parce que le gars passait trop de temps au travail. » Donc, dans le jeu, il y a maintenant un personnage qui rapetisse quand Mario le regarde. Ça, c'est dans la version sur Mario 64. Là, qui rapetisse quand on le regarde. Et puis, quand Mario se retourne, il redevient gros et menaçant. C'est bien. Rapidement sur les derniers, il nous en reste pas beaucoup. Sorti en 1989, le jeu pour Game Boy Super Mario Land était le premier jeu majeur de Mario à être développé sans Miyamoto, dont on parlait depuis le début. Le producteur Gunpei Yokoi, quand même, a pas fait un échec avec ça du tout. C'est un gros succès. 18 millions de copies vendues. Le jeu présente aussi un nouveau personnage féminin, Princesse Daisy, qui remplace Princesse Peach. Et belle, Daisy, mais Peach est pas mal plus, non? Peach. Ouais, c'est vrai. Peach. Ouais. Elle fait des gâteaux. L'autre est plus petite, hein? Ouais, genre. Puis ils ont leur personnage bébé dans la plupart des jeux. Là. Il faut tout le temps que tu aies bébé Peach, bébé Daisy, bébé Mario, bébé Donkey Kong. En tout cas. Ensuite, en 1993, le film Super Mario Brothers, vous savez qu'il y avait eu un film sur Super Mario, ça jouait à la télé une fois de temps en temps. C'était la première fois que Hollywood essayait de créer un jeu vidéo pour Mario, finalement. Un film pour un jeu vidéo de Mario. Avec Bob Hoskins et Dennis Hopper, et c'était un succès, pardon, pas un succès. Hey, ça, c'est un vrai lapsus parce que c'était vraiment pas un succès. C'était un gros échec critique et commercial. Ce qui a donné, parce qu'ils ont essayé de faire un film un petit peu plus adulte qu'enfant. Et apparemment que Dustin Hoffman était intéressé par le rôle de Mario, vu que ses enfants étaient des fans du jeu, mais c'est plutôt Bob Hoskins qui a le rôle. Depuis 1995, la voix de Mario est faite par l'acteur américain Charles Martinet. Il fait aussi la voix de Wario et de Luigi. Le succès Super Mario Galaxy a été inspiré par un démo que Nintendo avait fait au Nintendo Space World en 2000. Ça s'appelait Super Mario 128. La démo montrait un paquet de tout petits Mario qui marchaient sur une surface un petit peu courbée. Et pendant l'ère GameCube, le designer de Galaxy, Yoshiaki Koizumi, croyait que des niveaux en sphère pourraient faire un environnement intéressant pour Mario, mais Miyamoto lui-même n'était pas convaincu au début. Et là, quand Koizumi lui a montré des niveaux test qu'il a fait, ben, le projet a reçu le feu vert pour être terminé. Et ça a créé Super Mario Galaxy. La série Mario Bros est dans le livre des records Guinness en tant que la franchise de jeux vidéo qui a eu le plus de succès de tous les temps. Ça a maintenant, on dit, 240 millions d'unités de tous les jeux de Mario. Et notre dernier fait, c'est que Mario est apparu dans plus de 200 jeux vidéo dans sa carrière. Grosse carrière. C'est une grosse carrière pour une aussi petite moustache. Voilà. C'était un fait et c'était CNX en même temps. Donc, c'était Mathieu Plante et c'était Assemblage requis. Non, c'est pas fini ça, par exemple. Non. On est là jusqu'à 9h, il est 7h50. Mm-hmm. Assemblage requis, par exemple, est une présentation de la Banque nationale ouais. Et du service aux étudiants de l'UQTR. Encore plus vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Service aux étudiants est là pour vous. Hey, Mathieu, je sais que c'est le cahu dans le parking. Je sais pas si... en fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent dans leur véhicule. Mm-hmm. Fâchez-vous pas, un peu de respect. On laisse passer un peu les piétons. Des fois, c'est un peu chaotique. Là. Beaucoup de commentaires aussi avec le réaménagement du stationnement des allées. Ça peut être un peu compliqué. On y va mollo. Pas d'accrochage, là est le but. Hey, Mathieu, tantôt, je vais te parler du gala de la disque. Ah! Si ça te tente. J'ai entendu dire quelque chose, là, ben, Marimé. Hein, non, mais pas vraiment du gala de la disque. Je vais parler plus de l'autre gala. Ah, le gala qui nous intéresse. Ouais, qui nous intéresse un peu plus. Une remarque cette année, je vois pas l'album de l'année électronique. Ah. Je sais que l'année passée, en fait, Danny Janvier était en nomination. Danny Janvier du Dîner de con, lundi au jeudi, 11h. Avec Bio Bazar. Oui. Et puis cette année, c'est ça, je sais pas si ça... D'après moi, ça n'existe carrément plus. Ils l'ont enlevé. Dommage, hein? C'est dommage. C'est très dommage. Mais en fait, on va s'en reparler un peu plus tard. Oui, on va aussi recevoir quelqu'un de la corderie, Noémie Guimond. Et puis on va recevoir les gens de la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. C'est ce qui s'en vient à Assemblage requis. Alors, restez avec nous. Pour l'instant, voici... Flowbound. Avec la pièce Underbar. C'est une sorte de moustache aussi. Tu connais ça, cette pièce-là? Non. Non? C'est un peu... Écoute. Bon, j'espère. Ouais. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. Look at me, look at me. Hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the paths are all crooked. I can show you how to do-si-do. I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control. And I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores. And I'm proud to be an American. Me and my friends are platypus. Me and my friend made a comic book. And guess how long it took. I can do anything that I want. Cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone. On the telephone, on the telephone.

Bonjour, c'est Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On écoute là Ski avec la pièce Dialogue featuring Fanny Bloom. Tu sais, on a entendu Fanny Bloom tantôt, je me suis dit un tien vaut mieux que deux, tu le Bloom. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire du tout. C'est n'importe quoi. Yeah. Mais bon. Hey, rappelle le titre. Dialogue. François, tu me le demanderas tantôt, tu sais. C'est pour les auditeurs. Ah. Pourquoi tout le monde est malheureux? C'est toi qui es juste pas heureux. M'a répondu ma belle entre deux portes de cigarettes. Dans un café quoi Marianne et Marquette. Pourtant c'est facile, j'ai juste à oublier tout le monde. Me foutre de tout, me foutre de toi. Courir droit devant moi. Ah. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues les papillons. Qu'est-ce qui est arrivé au matin qui sent. On mange du vin pour souper, on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chansons fermées comme des cales de navire, perdus comme des cochons, tirelés, des éraflés du siècle en devenir. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues. Dialogue. Ça aura servi à de quoi que je te le dise deux fois, comme ben ça, tu as pu le présenter. Mathieu, hein, pense auditeur. Ah! Et qu'on a la misère avec toi le matin. Uh-huh. Featuring de Fanny Bloom sur cette pièce du Husky, ça vient de l'album qui se nomme La Fuite. La Fuite. À Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. François, Olivier Marchand, Mathieu Plante. Assemblage Rocky. 89.1 FM. 8h02. Ouais, à peu près, ouais, 2. Madame de la Corderie est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est quoi votre nom? Noémie Guimont. OK, enchanté. Ben, votre face me dit quelque chose, ouais, mais... Ouais, on se connaît bizarrement. Ouais, je sais pas, exactement de où. Je veux en savoir plus là-dessus, moi, c'est ça ma première question. Là. Ah ouais? Ah non, c'est pas louche. D'accord. Non. C'est parce qu'elle travaille au dépanneur. OK, on y va non, vraiment à non, c'est pas moi. Non. Ah non, ça. Ah non, c'est... Non! Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre! Ouais, c'est ça! Hey, Noémie qui vient de parler de la corderie. Oui! Est-ce qu'on commence ça comme ça? Ben, on commence ça comme ça, moi je dis. C'est quoi la corderie? C'est quoi, Mathieu, que tu penses? Ben, moi je pensais que c'était un service pour apprendre à conjuguer des verbes comme becherel, mettons. Ah, ben écoute, ça serait quelque chose qui pourrait être envisageable, mais en fait, c'est pas ça. La corderie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une organisation de Trois-Rivières, mais aussi des points à Shawinigan, Montréal et Québec. C'est en fait un service d'échange organisé. Qu'est-ce que c'est un service d'échange organisé? Mm-hmm. Et en fait, c'est comme une espèce de troc. Le troc moderne, version améliorée. C'est-à-dire que ça regroupe des gens qu'on appelle les accordeurs, qui sont membres, et qui offrent des services entre eux, dans le fond, selon leurs capacités, selon leurs moyens. Fait que ça résume un peu qu'est-ce que c'est la corderie. OK, donc un accordeur peut offrir des services comme exemple, je sais pas... J'ai plein d'exemples. En fait, c'est sûr que ça fonctionne en termes d'heures. Il n'y a pas d'argent qui est investi là-dedans. Et des exemples, j'en ai plein. Alors, que ce soit très diversifié, que ce soit la correction ou la traduction de texte, donner des cours de langue étrangère, des cours d'anglais, de français, d'espagnol, on a vraiment de tout. De l'aide au déménagement. Tu sais, des fois, c'est pratique. Il te manque quelqu'un. C'est vrai, ah ouais. Oui, fait qu'il y a même des gens avec des camions là, qui sont disposés à t'aider. On a aussi service de ménage. Ça aussi, c'est le fun. On a de l'aide pour faire des CV, de l'animation de fête. T'as besoin d'un DJ? Ben on en existe. Ou t'es un DJ en herbe, t'as envie d'offrir ça. Et c'est tout à fait quelque chose qui est possible à la corderie. On a aussi des coupes de cheveux. Il y a des gens qui offrent des coupes de cheveux qui prennent des coupes de cheveux. Promener ton chien, faire la cuisine chez vous. C'est très, très, très varié selon ce que les gens ont à offrir et selon ce que les gens ont besoin. Mais ça passe tout le temps par vous. Faut passer, vous voir pour offrir ou recevoir des services ou tu peux demander à quelqu'un, genre, va péter à gueule, un gars que je connais. Va péter à gueule. Ben, tu vois, c'est très autonome. En fait, tu t'inscris à la corderie avec nous. Et dès que tu es devenu un accordeur, eh bien là, tu as accès soit au site Internet qui est accorderie.ca. Là, tu peux faire tes transactions par l'Internet. Dans le fond, tu as toutes les listes d'offres. Directement de chez vous, en fait, tu vois. Oui, directement de chez toi, tu peux faire les transactions. Ou si tu n'as pas Internet, on a également un catalogue. Là, tu peux consulter les offres. Tu vois, Trois-Rivières, il y a environ 300 membres et plus. Là, on est en train justement là, de monter avec les nouvelles inscriptions de l'automne. Et il y a genre le triple d'offres et de services. Alors, tu as toute une amalgame de choix que tu peux avoir justement via l'Internet. Il faut juste se déplacer pour venir nous rencontrer pour faire ton inscription. Mm-hmm. J'imagine qu'il existe des règles dans le sens que Mathieu a amené un bon point. Je peux pas m'inscrire pour dire « moi, je pète la gueule de ceux que vous voulez en échange, vous finir faire le ménage chez nous ». Non, tu vois, la corderie, c'est un réseau qui est justement à la grandeur du Québec et ça passe par Québec, en fait. Il y a des offres qui sont déjà disponibles. Dans le fond, toi, tu consultes le catalogue d'offres, tu sais pas quoi offrir. Si tu veux péter la gueule aux gens, va t'enligner vers quelque chose justement qui est peut-être plus physique, comme l'aide au déménagement, ça va pouvoir passer ta colère. Ou justement, faire le ménage, là, ça va t'aider. Là, mais, ou ça met en colère. Non, c'est ça. Mais on essaie de voir ce que la personne a à offrir et qu'est-ce qu'on peut justement là, l'enligner vers des choses qui existent. Mmh. Moi, ça pourrait être faire un site Internet, faire des cartes d'affaires. Ça pourrait être pas mal n'importe quoi. Y en a justement. Mmh. Là, on a un accordeur aussi là, qui avait fait un petit témoignage dans le zone campus justement qui faisait des cartes d'affaires. Alexandre Gauthier. Exactement. Très connu à l'université aussi. Mmh. Ben, écoute, salut. Accordeur, on l'aime. Accordeur, on t'aime. Bon, le commentaire est passé. Ouais, c'était pertinent. Et puis, en fait, c'est pour qui? Est-ce que ma mère pourrait faire ses petits pâtés à tout le monde? Oui, ta mère pourrait faire ses petits pâtés à tout le monde. En fait, c'est sûr que... J'ai goûté, puis non, elle pourrait pas. Ah, ça, c'est une chose qu'on n'est pas responsable, par contre. Mais oui, c'est en fait, 18 ans et plus, c'est sûr qu'on a les gens au-dessus de 18 ans parce que c'est de faire affaire avec les gens, puis il faut que tu offres des services de façon légale. Alors, dès que tu as 18 ans, c'est bon. Tu peux t'inscrire? Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de limite d'âge dans le sens que mon grand-père pourrait s'inscrire? Non, c'est ça. On a vraiment... c'est tout le monde. En fait, on a vraiment autant des jeunes que justement des personnes plus âgées. Justement, c'est parfait pour un étudiant, justement avec les services là, comme justement là, les cours de traduction, les choses comme ça. T'sais, imaginez-vous, mettons, en rush de session. Ah, ta vaisselle est sale, t'as du ménage à faire, t'as pas le temps, t'es dans les travaux, t'es débordé. eh bien, pourquoi pas faire appel à un accordeur? Ben oui, à place de lâcher ton cours, tu sais. Ben oui, c'est ça. À place de lâcher ton cours comme quelques-uns. Oui, certains. Oui, on en regarde un, là. Mathieu! Hey, salut! Mais c'est ça. À place, justement, là, de te forcer à faire tout ou justement d'être encombré par ta vaisselle sale, tu peux faire appel à un accordeur que tu as fait contact avec lui. Puis lui vient faire soit des petits plats chez vous ou... il vient faire le ménage, là, ça mais t'accommode. C'est ça, la personne se pointe vraiment. Là, j'imagine que encore là, il y a un peu de logistique dans le sens que lui, tu sais, tu fournis pas ta clé de maison à la corderie, là. Non, mais c'est ça. En fait, c'est important que il y a une c'est première toi-même. Rencontre. Oui, c'est ça. Tu fais le contact, soit par téléphone, soit par rencontre. Puis, dans le fond, tu t'entends avec lui sur les modalités. Ça, c'est pas de notre... tu sais, ça, c'est vraiment ça, entre c'est pas... vous. Ouais, ça, c'est pas nous autres qui fait la gestion de ça. Nous autres, dans le fond, on fait la gestion, on encadre les choses, mais c'est ça. C'est vraiment entre les personnes. C'est vraiment du troc une personne à une autre, là. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'on a des activités à la corderie. Ça, c'est le fun, justement, là. Tu te dis, ah, mais tu sais, je vais appeler quelqu'un, mais je le connais pas. Tu sais, ça peut un peu te stresser. Mais en fond, si tu participes aux activités de la corderie, comme on a des sacs à sel, des soupers communautaires, on a vraiment beaucoup des ateliers, vraiment plein de choses, eh bien, tu peux rencontrer les gens. Fait que là, tu apprends à développer un sentiment de confiance. Puis justement, tu as peut-être plus envie de faire affaire avec les gens que tu as déjà vus. Ou justement, peut-être que tu connais du monde. Là, avec 300 personnes à Trois-Rivières, tu as une chance de connaître quelqu'un. Là. Puis, y est-tu déjà arrivé des anecdotes? C'est dans le sens que, exemple, OK, j'ai besoin d'un DJ, bon, tu fais appel à un DJ, mais tabarouette qui est mauvais, puis, tu sais, non, mais es-tu déjà arrivé? Ben c'est sûr que nous autres, on ne demande pas une attestation de professionnel en DJ, mettons. Non. Mais c'est ça, en fait, c'est bon, justement, d'avoir rencontré peut-être la personne pour voir qu'est-ce qu'il est capable d'offrir. C'est sûr que, tu sais, si tu fais réparer ton ordinateur puis que le gars te brise ton ordinateur aussi, c'est pas c'est le fun. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis après ça, faut t'aider l'autre personne parce que c'est une affaire de truc. Non, mais en fait, quand tu t'inscris, t'as 15 heures gratuites. Fait que là, t'as 15 heures gratuites. Puis, toi, tu peux, dans le fond, justement, faire affaire avec des gens, mais tu n'es pas obligé de rendre le service à cette même personne-là. Ah, là, ben c'est, oui. C'est juste en termes d'heures que tu as accumulées. Et quand tu parles de 15 heures gratuites, ça veut dire que je peux, exemple, OK, je me mets membre. Tu t'inscris, tu as 15 heures. Je suis membre. Tu l'envoies à ton cours, mettons. Non, non mais je peux faire le ménage chez nous. Pendant 15 heures. Pendant 15 heures, c'est ça. Et ça, sauf que, ça c'est coûte ça, rien. Mais là, oui, non, ça ne te coûte rien, mais là, t'es devenu accro à avoir le ménage chez toi et t'as envie de justement là, d'avoir d'autres activités puis d'autres affaires comme ça. Fait que là, dans le fond, c'est facile d'accumuler des heures. Soit que tu vas par le système de troc, justement, en offrant un service. Les gens vont t'avoir contacté pour quelque chose, justement. Là. Faire le DJ à une fête, là, c'est ton genre, ça, François-Olivier. Oui, fête d'enfant. Oui, c'est ça. Ah, ben avec, écoute. Ben écoute, c'est ça. Fait que là, tu peux accumuler des heures facilement, soit justement en t'impliquant. On a un groupe d'achat aussi. Alors, si groupe d'achat pour de la nourriture? Oui, non? en fait, c'est ça. On a un comité, mettons, un épicerie collective. Fait que ça te coûte 36% de moins. Ça, c'est très cool, ouais. C'est vraiment très, très le fun. Ça te fait vraiment un gros rabais. Tu sais, t'es justement, quand on est étudiant, surtout, on n'a pas les moyens les plus extravagants. Fait que là, ça te permet de manger bio à des prix raisonnables. Ça te permet justement de manger avec... C'est vraiment là, 36% de rabais, c'est quand même énorme. Puis groupe d'achat, on parle mettons des carottes, des patates, ces trucs-là. Ah, de tout. Mais... Même chose qu'en épicerie, on a une liste complète. Okay. Que ce soit je choisis pain, ce viande. Que je veux. Oui, c'est ça. Nous, à tous les mois, quand tu es membre, on t'envoie la liste des aliments et tu fais une sélection. Si tu n'es pas capable de te présenter, tu peux l'envoyer par Internet et tu viens une seulement. Une fois par mois. Oui, une fois par mois. Tu viens chercher ta commande ou tu viens le jour de la commande passer ta commande directement là, avec nous. Ou tu fais appel à un accordeur qui, lui, est livreur. Ah, ben, tu peux. Ça, c'est tout est possible. Là, c'est infini avec ça. Là. Tu réfléchis pas mal là-dessus. Oui. Ça s'arrête pas. Mais pour les jeunes aussi, il y a un truc qui est le fun parce qu'on vient juste de mettre sur pied un nouveau comité pour les 18-30 ans. Ça, c'est génial. Ça, c'est parfait pour les étudiants. Ah oui, c'est 18-30 parfait. Ben, 18-30 ans, en fait, 18 ans, on commence pas mal à être étudiant. Puis 30 ans, on est encore là, des fois. Des fois. Oui, c'est ça. Mais tu sais, maîtrise, puis tout ça, ça va loin. Alors oui, c'est parfait pour les étudiants parce que, dans le fond, on offre la possibilité aux gens d'offrir des activités En fait, c'est un groupe de consultation. On consulte les gens. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous tenterait? Puis nous autres, on a des locaux. On a justement un budget qui est alloué, là, qui n'est pas énorme. Mais justement, on vous aide à encadrer votre activité. C'est comme quoi? C'est quoi les activités que vous proposez? Bien là, que... c'est nouveau. Je te dis qu'on n'a pas encore une activité. Mettons, ça pourrait être un 5 à 7 thématique. Soirée meurtre et mystère. Soirée meurtre et mystère. Un jeu de rôle, si c'est votre style. Et ça peut être vraiment là, un 5 à 7 avec... n'importe quoi. Là. C'est sûr que il y a des limites. Là. On peut pas faire un party de nudisme, mettons. Ah. Là. Mais, c'est ça. Ah. Je sais que ça te tentait, là, mais on va passer pour une autre suggestion. Tu viens de perdre un membre. Ah, c'est ça. Ouais, OK, je ferai pas de blagues sur membre quand même. Ben, c'est le tien, hey. Tu peux faire des blagues. Non, non. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment avantageux, la corderie, pour un étudiant ou pour qui que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est très... très dynamique, ça vous ressemble. Il y a l'échange, il y a les comités, il y a l'épicerie collective. Il y a aussi un crédit solidaire. Ça, microcrédit, est-ce que c'est ça? Oui, c'est une forme 500. De microcrédit. 500 $ maximum. Puis ils ne cassent pas les jambes, eux autres? Non, ils ne cassent pas les jambes. En fait, c'est ça, c'est nous qui encadrons ça. C'est toi qui casses les jambes? Oui, c'est moi qui casse les jambes. À grandeur faites que attention. J'ai, c'est ça. Ah ouais. C'est dangereux. Mais c'est ça, en fait, tu sais, ton frigo brise. Ça, ça arrive fréquemment quand t'es étudiant, moi, je trouve, là. Puis, t'as besoin de le remplacer. Oui, histoire vraie, vécue. Alors, t'as besoin de le remplacer. Pourquoi pas, t'as pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Ben, tu viens nous voir. Mais mettons, maman est loin, elle n'est pas disponible. Non, je comprends, des fois, elle n'a pas envie plus, de l'embêter. Pas, non, c'est ça. Tu sais, on est indépendant quand t'es étudiant. fait que c'est ça. Fait que dans le fond, après avoir ton frigo qui brise. Oui, c'est ça. S'il brise, c'est dangereux. S'il brise, dans le fond, tu viens nous voir. On t'offre, dans le fond, la possibilité d'échelonner tes crédits. Faible taux d'intérêt, beaucoup, beaucoup mieux avantageux qu'une banque. Alors, nous autres, on est là pour t'aider. Ouais. Ça, c'est situé sur Saint-Maurice. Est-ce que je me trompe? Non, c'est sur la rue Saint-François-Xavier. Tu devrais t'en rappeler. Non, mais le microcrédit? Le microcrédit, non. C'est vraiment sur Saint-François-Xavier. C'est vraiment avec nous. C'est sur Saint-François-Xavier. Mais avant, est-ce que c'était sur Saint-Maurice, non? Je suis déjà passé, me semble, et puis il y avait... Bref, ah, mais ça, c'est une autre organisation. OK, c'est pas la même chose. Non, c'est ça, c'est pas la même chose, mais écoute, ça reste... on est un peu affiliés avec eux, là, de très loin. Oui, ils sont fins. Est-ce que tu les salues aussi? Je les salue. Je sais pas leur nom complet, mais je les salue. Oui, aussi, il y a une vie sociale active. Dans le fond, on a des parties, des soupers, des 5 à 7. Là, si t'as envie, si t'es nouveau en ville, là, si t'as envie de t'impliquer... C'est ça, de connaître du monde aussi. Exactement, c'est vraiment ça, connaître du monde, se faire un réseau social en dehors de l'école. Des fois, c'est le fun aussi, alors peut passer par notre accorderie. Et puis, une petite question comme ça, est-ce que c'est plus dur d'aller chercher les jeunes? Parce que présentement, je sais qu'on est un peu dans un mode individualiste, tu sais, et puis... c'est sûr que oui, c'est pas plus dur d'aller chercher des membres. En fait, on a beaucoup de membres jeunes. Mais 18 ans, ouais, vous n'avez... Oui, on en a beaucoup de 18 ans, dans la vingtaine, la jeune vingtaine, on en a beaucoup. C'est sûr que, justement, les jeunes sont peut-être plus... tu sais, ils ont déjà un réseau social un peu plus développé. C'est sûr que, des fois, ils ont moins envie de participer à des activités. On est occupé, là. Oui, c'est ça, on a moins le temps. Faut sortir. T'sais. Mario Bros prend beaucoup de temps aussi. Dans c'est Mario ça, Bros. C'est ça. Puis les travaux, hein, faut pas les oublier. Non, mais c'est sûr que c'est plus dur, en fait, là, d'avoir des activités pour les jeunes. C'est pour ça qu'on a créé le comité du 30 pour faire des choses qui leur ressemblent, qui ont envie de faire, puis vraiment les intégrer, là, pleinement dans l'organisation. Mais on a beaucoup de jeunes. Ah, okay, c'est bien. Oui, c'est puis on en a beaucoup qui se sont inscrits par rapport à l'article qui est passé là, dans le journal. Alors le Zone Campus. Oui, écoute, on fait de la promotion. Là. On est bien contents avec ça. Fait que ça nous rapporte aussi. Là. On est contents d'avoir des nouveaux membres. Là, je pense que j'ai un scoop que je vais dévoiler. Oui. Je pense qu'à la corderie, ils nous écoutent. Oh. Une chance, je ne l'ai pas dit avant. Hein? Non. Ben écoute, je salue mes collègues. Bonjour. Elles sont très gentilles. Alors, Annick, Marie-Josée. C'est pas ça que tu disais l'autre fois. Bon. Les rumeurs. Ah, je dis n'importe quoi. Hey, merci, Noémie Guimond. Vous, votre poste là-bas, c'est... En fait, je vous donne les coordonnées rapidement. Soit nous rejoindre par téléphone 819-379-5111 ou accorderie.ca. Oui. Accorderie.ca. Vous êtes coordonnatrice? Non, en fait, c'est ma collègue. Moi, je suis, dans le fond, agente de développement. Agente de développement. Pour le projet. OK. Vous occupez développer le projet. Oui, surtout pour les jeunes, justement. Alors, venez me voir si vous avez entre 18 et 30 ans. On va faire de quoi de le fun.

I'm a robot. Je suis un robot. Hey, merci pour la traduction. Vivant en plus, alive. Alive. Alive. Comme du Deli 5, là. Five ouais, Alive. Five Alive. J'ai jamais compris pourquoi que Five Alive en français c'était Deli 5. Ça, ni l'un ni l'autre des deux mots ont rapport. Ben, 5, Deli 5. 5, il y a le 5. Ah, c'est vrai qu'il y a le 5, par exemple. Ouais. Tu m'as eu là-dessus. Ouais. Tu l'as l'affaire, toi. Facile de même. C'est vrai que c'est vraiment ça, par exemple. Aucun des deux mots, ouais. Quel commentaire bizarre, hein? Ouais, 8h29, assemblage requis. On est là jusqu'à 9h. En théorie, on est là jusqu'à 9h. Juste pour pas une minute de plus. On dépasse plus maintenant. On dépasse plus avec les nouvelles de Radio-Canada qui vont suivre aussi. Mathieu. François-Olivier, c'est dur à dire. Avec et voilà. Ouais, je pense que c'est la première fois que quelqu'un dit ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On attend l'appel de Kiwan tantôt. Il va nous faire une superbe chronique en direct d'autres provinces. Est-ce qu'on sait où? C'est une surprise? Je sais pas. Je crois qu'en théorie, il devrait être rendu en Alberta. Peut-être. Il devrait, mais on va lui en parler tantôt dans sa chronique Kiwan en cavale. Mais pour l'instant, on retourne déjà en musique. On va entendre un petit peu de Hot Hot Heat. Voici YVR. Moi, je les appelle Chaud Chaud Chaleur parce que je suis très, très chumé avec eux. Chaud Chaud Chaleur. YVR. 89 FM, c'est fou. De la Banque nationale. We'll be right back. Blood Red Shoes avec It's Getting Boring by the Sea. C'est sur la trame sonore du film Scott Pilgrim. Et puis, c'est pas mal ce que j'écoute en ce moment. Pilgrim, hein? Scott Pilgrim. Et Mathieu, fallait qu'il en parle. Il est-tu fatigué avec son Scott Pilgrim? Il est fatigué. Et motadine. Maintenant, c'est le moment tant attendu, François-Olivier. Pas Kiwan. Ben oui, Kiwan qui animait Assemblage Requis avec moi l'an dernier. Et là, Kiwan, est-ce que tu nous entends? Oui. Ça va? Ben oui, ça va bien, vous, les garçons. Ben oui. Mais bonjour, Kiwan. J'ai une surprise pour toi avant qu'on commence, Kiwan. Ah oui, c'est quoi? Ben, je t'ai préparé une petite intro. Wow! Wow! Attends, on va écouter ça. Ça vaut vraiment la peine, t'sais. Wow! C'est donc bien, ça me fait plaisir, je trouvais ça vraiment drôle. Hey, je l'adore, vraiment. Cool! Bon, ben, Kiwan, bienvenue à Assemblage Requis en tant que chroniqueur, collaborateur, outre-province. Ben, merci, puis félicitations pour vos programmes aussi, je le dis en partant, là. Trop gentil, trop gentil. T'es rendu où, Kiwan, là? Oui, ben, c'est ça. Quand je suis parti, la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, à Trois-Rivières, à Fécou. Je m'en allais habiter à Medicine Hat en Alberta, mais qui est en fait dans les prairies albertaines. Puis c'est ça, mon plan, c'était de venir m'établir ici chez mon amie Véronique qui habite dans une maison ici à Medicine Hat, qui est enseignante à Medicine Hat. Finalement, les plans ont un peu changé en cours de route, bon, à cause de plein de problèmes, dont entre autres la propriétaire de l'appartement ici qui veut absolument pas que j'habite ici, étant donné que je suis un garçon, un Québécois en plus. Ah, pas vrai? Donc, ouais, c'est ça. Je suis comme un peu victime de sexisme et de racisme. Ben oui. Crime, c'est bien bizarre, ça. Ouais, c'est assez étrange, mais bon, il n'y a pas non plus de régie du logement ici en Alberta. Puis de toute façon, ça ne me tente pas vraiment de faire un scandale. Donc, mais en fait, j'aurais eu l'option d'être très têteux. Faire une tarte à la propriétaire qui allait sortir ses vidanges. Puis, comme ça, éventuellement, peut-être qu'elle m'aurait accepté. J'avais cette option-là, mais entre-temps, j'ai découvert un peu ici la ville de Medicine Hat et je dirais en général l'esprit des plaines canadiennes. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était pas tant l'endroit idéal pour vivre, je vous dirais. Là. C'est vraiment un drôle de mode de vie. L'Ouest, pas l'Ouest en général, mais disons les prairies, là, Saskatchewan, puis Medicine Hat ici, c'est complètement, c'est presque un autre pays, vraiment. C'est vraiment quand on vient vivre ici qu'on se rend compte qu'au Québec, on est très, très, très différent et qu'on réalise aussi que conservateur, c'est pas juste un parti politique, c'est vraiment une idéologie. Ouais. C'est vrai que les gens ici sont assez différents. C'est vrai que dans l'Ouest, les gens sont vraiment à la cowboy, si on veut, là. À la républicaine aux États-Unis. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Pour vous donner une idée un peu là, de comment je me sens différent ici, autour de la ville de Medicine Hat, ici, j'ai vu quelques annonces, des publicités sur le bord des autoroutes qui prônent qui sont contre l'avortement. C'est des organisations pro-vie, là, du genre avec des slogans du genre Abortion kills babies. Oh, wow. Donc, okay. ça vous donne un peu une idée là, de la mentalité des gens ici. Hier soir, je me promenais dans la ville ici, il était à peu près 10 heures, c'était complètement mort, il y avait absolument rien de vivant. Parce qu'il y a un couvre-feu ou parce que les gens sont pas du genre à sortir? Oui, vraiment, c'est dans leur mentalité, je pense. Okay. Je te dirais, là, passer 8 heures, on tire le rideau, puis on reste tranquille chez nous. On se passe sous la couette? Oh. Oui, exactement. Mais donc, après le mariage seulement. Quoi, je dis après le mariage seulement, là. Wow, là. Ouais. Ben oui, vraiment, ici, là, tu te promènes dans la rue, puis tu vois plein de couples là, de 20, 21 ans qui ont 2-3 enfants déjà. Il y a beaucoup aussi de mormons donc qui se promènent avec leur famille très, très, très nombreuses. C'est ça. C'est vraiment différent. Ça a l'air à ça, oui. Ouais, donc finalement j'ai décidé de plutôt concentrer mes recherches et de plutôt m'établir à Calgary. OK. Et quand même la métropole. J'ai fait pas mal le tour, c'est sûr qui est la métropole exactement de l'Alberta. J'ai fait le tour pas mal de la province en les derniers jours. Puis c'est vraiment l'endroit le plus agréable pour habiter. Et justement, c'est de ça dont je veux vous parler précisément aujourd'hui. Je suis allé voir en fait une dernière un spectacle à Calgary. J'ai découvert en même temps un endroit vraiment incroyable qui s'appelle le Palomino, qui est une salle de spectacle, en fait, qui est un endroit multiservice, je dirais, qui à la base est un restaurant. Okay. Premier étage, c'est un restaurant. Puis tout ici, même à Calgary, même si à Calgary, la ville est très, très urbaine, puis tout est pareil ou semblable à Montréal. Je dirais même que la mode hipsters n'a pas épargné Calgary. on se sent quand même presque comme à Montréal, mais quand même, il y a toujours un peu partout une petite teinte country, un peu dans tout. On a toujours une petite touche cow-boy. Et donc le Palomino, qui est comme une place de bar, qui est une place pour les spectacles rock, indie, indépendant. Mais quand on rentre là, on se sent quand même un peu dans un ranch, OK? C'est le restaurant sent le barbecue à plein nez. C'est vraiment très bon, par contre. Là, ça sent vraiment très bon. Mm-hmm. Mais c'est ça, t'as l'impression d'arriver dans un restaurant ranch. Donc tu descends au sous-sol. La salle de spectacle est au sous-sol. Les murs sont en bois rond. Il y a vraiment une décoration très, très western, mais c'est une salle de spectacle indie. OK, donc les groupes qu'on aime passent là. Il y a quand même un petit contraste là. Puis il y a comme une espèce d'odeur de vieux chauffage à l'huile avec des docks poussiéreux qui rappelle vraiment l'odeur du poêle à bois. Vraiment, là, ça, c'est une des caractéristiques principales du Palomino. On se sent vraiment comme dans un chalet chauffé au bois. Je trouve ça absolument génial. Cool. Donc, ça, c'est pour l'endroit. Les groupes que je suis allé voir, que je connaissais absolument pas, c'est des groupes locaux aussi, des styles complètement différents. Il y avait quatre groupes qui se sont produits le même soir, puis vraiment quatre styles complètement différents. La première partie, c'est l'artiste que je vais vous faire entendre, qu'on va entendre juste un petit peu plus tard, dans quelques minutes, c'est Honey Bear, qui est un gars seul, qui fait quelque chose qui ressemble un peu à du Beck, mais plus minimaliste. Il est seulement seul avec sa guitare. Ça ressemble aussi souvent à du Radiohead, mais sans arrangement, donc juste voix guitare. Mais quand même quelque chose qui fait de vraiment étonnant, c'est qu'il fait du looping. Je sais pas exactement comment s'appelle la technique, mais bon, il fait un son avec sa guitare, là il le loop. Okay. Après ça, il en fait un autre, puis les couches s'ajoutent comme ça, mais il fait live là, sur la scène comme ça. Il fait comme un peu genre de mixage, mais live. Et à la fin, après là, 2 minutes de tune, t'as un paquet de couches, le son est super dense, mais tu peux encore tout reconnaître, les petits riffs qui est fait live devant toi il y a quelques secondes. Donc à la fin, c'est complètement impressionnant, c'est vraiment hallucinant. Il a fait une pièce comme ça, mais j'imagine que ça doit être tellement compliqué à gérer puis à créer que le spectacle n'était pas entièrement fait de cette manière-là. Mais c'est quand même, lui, c'était le premier artiste qui a passé, puis c'est vraiment celui qui m'a le plus impressionné, que j'ai le plus aimé. Pour les autres groupes qui ont suivi après, tu vois, les styles étaient complètement différents. Le deuxième groupe, c'était un peu un genre de folk rock à la Bruce Springsteen, je dirais. quand même assez traditionnel. Ensuite, on avait le groupe Lab Coast, qui était purement dans le indie, très, très classique, très montréalais même, je dirais. Et le dernier groupe, c'était le Greg McPherson Band, qui est vraiment dans le rock alternatif très, très classique, là, très années 90 même, je dirais. Mm-hmm. C'était le dernier spectacle, c'était vraiment très tight. Tu vois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour voir ça. Un groupe super bien rodé, là, qui avait l'air d'avoir... Moi, je connaissais absolument pas le groupe, mais tu sais, qui avait l'air d'avoir leurs fans et qui avait l'air d'être... c'est quand même assez connu dans la place. Donc, bref, c'est ça, c'est ma première soirée de spectacle à Calgary. Et comme je vous disais, le groupe que j'ai vraiment le plus retenu, c'est Honey Bear. On va en écouter une pièce là, quand vous serez prêts. Ben d'accord, on écoute ça, c'est la pièce « The Pocket Full of Stones ». Donc, vous allez voir, c'est très minimaliste, c'est très, très calme. Je pense que pour le matin, comme ça va fitter pas si pire. On écoute ça, puis on te revient après, Kiwan. D'accord. En direct de Calgary. À tantôt. À tout. Full of evenly weighted stones. Now balance each and every one upon the tip of your nose. Meticulously document which way each one goes. And I set my bindings and I'm sure the algorithm will show. Who will I propose? is down in Florida. Vite de même, la chanson finie. Puis on est toujours avec Kiwan à sa chronique Kiwan en cavale sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Hey, Kiwan. Kiwan. Kiwan, oui. Est-ce qu'il m'entend? Supposé. Oui. Oui. Hey, il y a une dame qui a appelé Manon de son prénom. Elle fait dire qu'il y a un immense village des valeurs à Calgary. Oh, cool! Si ça peut t'aider, là, Value Village, et puis c'est à Calgary. Elle m'a pas dit exactement où, mais... Pas seulement sur Internet. Je vais me sentir vraiment comme chez nous. Je vais pouvoir aller m'acheter des chandails de loup. Oui, puis elle a dit qu'il est immense. Le chandail? Non, le... sûrement. Ouais, sûrement qu'il y en a des immenses aussi. Ah, ben, c'est cool ça. Merci pour l'info. Donc, ce qu'on a entendu, c'était Honey Bear avec Pocket Full of Stones. C'était un spectacle que tu es allé voir à Calgary. Ouais, c'est ça. Honey Bear, c'est un artiste local ici de Calgary. Parfait. Donc, tu vas nous rappeler comme ça une fois par semaine? Ben oui, je vais essayer de vous appeler une fois par semaine, mais là, c'est parce qu'en même temps aussi, faut que je m'occupe de me trouver un emploi, parce que, bon, il faut que je travaille aussi. Va porter ton CV au Value Village. Hey, ça serait cool! Ouais, j'avoue, je préfère ça. Ils ont quand même des beaux kits, hein, les employés là-bas. En plus. Ben, c'est quand même bien payé pour vrai, je pense, là-bas. Ah ouais, pour vrai? Ouais, ouais. Ben, je dirais qu'ici, en général, tout est quand même mieux payé qu'au Québec. Donc, c'était Kiwan en direct de Calgary, notre ancien co-animateur, maintenant collaborateur, chroniqueur hebdomadaire à Assemblage Requis. Merci beaucoup. Merci, Kiwan. Alors, ben, merci à vous, puis je vous donne des nouvelles le plus tôt possible. Je vais essayer d'être le plus régulier possible, mais c'est sûr qu'on se reparle bientôt, les gars. Merci. Cool. Bye. OK. Salut. Bye. Ah, Kiwan, ce Kiwan qui nous a toujours fait plaisir. De c'est très cool qu'il appelle. Ouais, c'est ça, il nous fait toujours plaisir en faisant ça. Fait un petit bout, là, contre ses téléphones. Puis, ouais. Donc, voilà pour ça. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Il nous reste une quinzaine de minutes à l'émission. 13 minutes. 13 minutes. Ben, merci d'être précis. Oui. C'est quelque c'est chose. C'est une de mes principales qualités. Ben, tout à fait. On va retourner en musique. On va entendre une bonne pièce que je vais choisir comme ça à brûle pour point, François-Olivier. T'aimes ça quand à je fais brûle ça? Pour point? Ben, je sais que t'aimes ça. Je te regarde, tu me dis. Qu'est-ce que veut dire à brûle pour point? Ben, que je vais choisir une pièce comme ça ici. Mettons okay. Pretty Lips and the Paperback. Paperback Porn Writer que j'ai toujours bien aimé. Je vais te faire découvrir ça. Pourquoi pas? Dans le cas de ça, The Globes on Remote, un de mes groupes que j'aime beaucoup en ce moment. 89 FM, c'est fou. Hein? Oui. Quoi? Allons-y. Tu voulais dire quoi? Que c'était présenté par la Banque nationale? Exactement. Et le service aux étudiants. Je te connais, moi. Je te vois venir là, de loin. De loin. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale. You. Coheed and Cambria avec la pièce The Crowing. The Crowing. Ou The Crowning. The Crowning. Crowing, je sais pas. Crowing. Crowing. En tout cas, peu importe. Crime, nous autres, c'est déjà la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On va parler avec Néné qui va animer à partir de dimanche la nouvelle émission Le Déclic. Je pense que t'as pris la, je pense que t'as pris le micro 3 finalement. Hein, salut. Néné? Oui. Toujours là? Oui, toujours là. Non, on t'entend, c'est le fun. Ok, c'est bon. bon, c'est ça. Moi, je m'appelle Néné Diallo. Je suis toute nouvelle ici. Puis j'animerai l'émission Le Déclic dimanche soir à partir de 19h, de 19h à 20h. Ce sera une émission consacrée à la culture du monde, musique du monde. Puis je vous invite à y assister, à participer. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des emails, téléphoner. Je suis là pour vous. Ça commence ce dimanche soir. Exactement, dimanche le 19, je crois. Ouais, 19 à 19h, finalement. Oui. Oh, quel hasard. Concept. Ça va, ça va juste après l'émission de Michel Deschênes. Exactement. Qui s'appelle Des oreilles pour écouter. Donc, on va être là pour t'écouter toi aussi, Néné. Et puis, merci beaucoup d'être venu à Assemblage. Merci à vous. Au revoir. Au plaisir de t'écouter. On a des cobayes comme ça de fois en temps. Nous, on doit se quitter. Et puis, ça va être les nouvelles de Radio-Canada qui s'en viennent. On se retrouve demain à 7h. Bye bye.